tell you that I'm over it. Cause I think about it every night, I'm not sobering. I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm being honest, ça se passe chez vous. 10h tout pile, on prend l'antenne, c'est ça se passe chez vous. Vous écoutez à The Radio Center, c'est Antoine et je suis avec Kendra. Bonjour Kendra, comment ça va? Salut Antoine, ça va et toi? Eh bah ça va super, on trouve un peu dynamique aujourd'hui. Bon ouais. 10h01 maintenant. Je vois que t'es en forme là ce matin. Ah bah on va tout casser aujourd'hui. Bon, je vais dire, elle est pas encore dans le studio, elle arrivera à 10h30. Non, à 10h30. Aujourd'hui c'est toi qui fais la spéciale. Ouais. Avec ta chronique emploi qu'on retrouve à 10h30. Voilà, hop, je vais monter un peu ton micro parce qu'on ne t'entend pas très bien, c'est bien. Voilà. Petite sélection bah voilà, des offres d'emploi dans l'agglomération Seine-et-Marne. Exactement. On vous présente. À 10h45, il y aura Joëlissa qui passera par le studio. On va faire le sommaire depuis le début, hein, parce que bon, à 20, il y aura l'éphéméride qui arrive dans quelques minutes sur The Radio du Seine-et-Marne dans le Ça se passe chez vous. À 10h15, ce sera l'heure de retrouver Virginie et son horoscope. 10h30, la sélection de Kendra sur les offres d'emploi dans l'agglomération Seine-et-Marne. 10h45, ce sera l'heure de la météo avec Joëlicia. À 11h, on retrouvera Tati Karen pour son fameux « Dis qu'est-ce qu'on mange ?». À 11h15, ce sera Michel Delarda qui fera un crochet par le studio pour nous parler de sa sélection TV pour ce soir, ce qu'on retrouvera au programme sur la TNT. À 11h30, on retrouvera Kendra pour son actualité, les informations tout simplement en Seine-et-Marne. Voilà, c'est ça l'actualité. Et enfin, 11h45, on fera un petit point sur le match de foot Angleterre-Croatie qui s'est déroulé hier. T'as tout bien résumé. Et c'est ça. Parce qu'on sait que maintenant on va pouvoir. L'adversaire de la France, voilà, en finale, la Croatie. Voilà, dimanche on affrontera la Croatie. Kendra vous fera le petit point qui va bien sur le match. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. On a un programme un petit peu rempli aujourd'hui. Bon voilà. Bougez pas, vous êtes sur The Radio Seine-et-Marne. Dans un instant, je vous fais part de vos éphémérides, les fêtes du jour, les anniversaires de stars. Et tout ça, voilà, ça arrive dans un instant sur The Radio Seine-et-Marne. Soyez les bienvenus, c'est votre émission quotidienne. Ça se passe chez vous du lundi au vendredi, entre 10h et 12h. Puis voilà, on va continuer en musique avec Imagine Dragons. Et le son, c'est Next to Me, pour vous accompagner et vous réveiller sur The Radio Seine-et-Marne. Bonnes vacances. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Stupid things I- on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. So thank you for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Après le son de Imagine Dragons, the Next to Me, ça vient de se passer sur The Radio Seigneur, 10h et 6 minutes. Et puis vous êtes toujours en plein cœur de votre émission favorite, ça se passe chez vous. On passe sans plus attendre aux éphémérides. Jeudi 12 juillet 2018, on est le 193e jour de l'année, 28e semaine de l'année pour être précis. Voilà, on va dire qu'on va souhaiter une bonne fête à tous les Oliviers qui nous écoutent. Prénom souhaité autrefois, en fait, on souhaite une bonne fête aux Savins ou Savines, comme vous voulez. Puis les prénoms bretons, Menu. Donc bonne fête à vous. Voilà, c'est tout pour les fêtes du jour. Il y en a sûrement d'autres, mais bon, voilà quoi. Tout ce qui ressemble à ces prénoms que je viens de citer, bon anniversaire à vous. On va continuer avec l'anniversaire d'un personnage de dessin animé qu'on adore, Guy Lutron, qui fête ses 54 ans. Les plus jeunes ne le connaissent sûrement pas, mais si vous êtes un petit peu plus ancien, les plus anciens, vous le connaissez sûrement, voilà. Puis l'ancien premier ministre Lionel Jospin fête ses 81 ans, bon anniversaire à lui. C'est tout pour les éphémérides du jour. Dans un instant, il y a l'horoscope de Virginie qui arrive. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, ça se passe chez vous, 10h-12h. Dans un instant, ouais, dans 7 minutes, ce sera l'heure de l'horoscope avec Virginie sur The Radio Seigneur. À 10h30, ce sera l'heure de la chronique emploi avec Kondra. Mais pour l'instant, on part en musique avec Dennis Lloyd et son son Nevermind sur The Radio Seigneur. Bienvenue. You're gonna be my lover tonight. I take it with me. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. What you gonna do? You're my discretional sin. still feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. C'est heures du snark que vous écoutez. On vient de s'écouter le son de Shawn Mendes avec In My Blood. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et c'est l'heure de retrouver l'horoscope avec Virginie. Billy. conseiller. Avec votre partenaire, vous ne pouvez pas toujours tomber d'accord sur tout, alors faites preuve d'ouverture d'esprit. Taureau, vous vous laissez déborder par vos activités et vous n'arrivez pas à vous extraire de votre travail quotidien. Gémeaux, préférez le repli stratégique à l'affrontement direct, ce n'est pas le moment de tout remettre en question. Cancer, vous traversez une période harmonieuse sur le plan conjugal, ce qui vous permet de ressouder les liens distendus avec votre partenaire. Lion, alimentez-vous plus sainement et surtout ne faites pas d'excès de table. Vierge, vous contournez les obstacles qui parsèment votre route sans aucune difficulté. Balance, c'est dans le cadre de votre travail avec vos collègues ou votre associé que vous devez renouer le dialogue. Scorpion, vous vous chargez les épaules de responsabilités trop lourdes, c'est titanesque. Sagittaire, faites des exercices pour muscler votre zone lombaire, cela vous évitera d'avoir mal au dos. Capricorne, vous avez besoin de prendre l'air et de changer votre routine de travail qui vous mine le moral. Verseau, fixez-vous des échéances à respecter, sinon l'on vous taxera de velléitaire. Poisson, tout va pour le mieux, vous êtes en forme avec un moral qui culmine vers les sommets. Merci Virginie, on te retrouve demain avec un nouvel horoscope dès 10h15, comme toujours sur Zoé du Seigneur dans le Ça se passe chez vous. Belle journée à vous, vous commencez la journée avec Ça se passe chez vous, c'est Zoé du Seigneur que vous avez choisi et vous avez fait le bon choix. Axel Ingrosso, Dreamer, c'est ce qui arrive pour vous réveiller. Scolé, bienvenue. Heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone, I can be your guiding light. Cause I promise you, I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight.

stay a while, stay here with me. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay here with me. All to the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me? Le son de Sigala avec son nouveau son Lullaby. Vous écoutez Zora du Seigneur, il est 10h30. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zora du Seigneur. La chronique en plan ce jeudi 12 juillet, c'est avec Kendra. Bonjour Kendra. Salut Antoine et salut à tous. Et oui, on va faire une petite sélection des offres d'emploi dans l'agglomération Seigneur. Donc on a Akini qui est à la recherche d'un cuisinier, enfin pour ceux qui préparent un CAP en cuisine ou en bac pro cuisine, il y a Akini, l'hôtellerie d'Akini plus précisément, qui recherche un cuisinier qui souhaite obtenir un BEP ou un CAP en cuisine, vous serez chargé de préparer et cuisiner des plats chauds et froids dans un restaurant traditionnel pour environ une trentaine de couverts pour les services du midi et du soir. À l'hôtellerie d'Akini, conditionner un produit, cuire des viandes, poissons ou légumes, doser des ingrédients culinaires, dresser des plats pour les servir et entretenir un équipement seront les tâches qui vous seront confiées et les notions que vous devrez apprendre pour vos études. Alors ce poste est un contrat à durée déterminée de 12 mois pour un contrat d'apprentissage avec 35 heures par semaine et le salaire qui sera selon l'âge. On enchaîne avec une hôtesse ou un hôtesse d'accueil standardiste qui est recherché pour Randstad pour travailler du côté de Pitre avec une maîtrise d'anglais obligatoire pour un poste en intérim. Il vous demande de pouvoir être disponible dès le 30 juillet pour travailler au total 26 jours. Vous serez chargé de gérer l'accueil téléphonique, recevoir tous les appels entrants et les traiter, envoyer l'appel vers un autre correspondant, assurer les communications entre les collaborateurs. Vous serez aussi chargé de l'accueil physique et d'effectuer des tâches administratives, courrier, mail, gestion des réservations de véhicules. Vous devez être titulaire d'un bac et avoir au moins une année d'expérience dans ce domaine. Il recherche une personne sérieuse, souriante, avenante, à l'aise au téléphone, avec une maîtrise de l'anglais indispensable, avec des bases solides afin de pouvoir orienter les prestataires sur le site. On termine avec un manutentionnaire qui a cherché pour travailler sur Cricbeuf sur Seine. Aujourd'hui, c'est l'Adéco Rouen Grand Compte qui recrute pour un de ses clients spécialisés dans l'industrie métallurgique, un magasinier ou un cariste homme-femme, pour une mission qui de préparation de commandes, chargement et déchargement de camions, gestion des stocks, conduite de chariots. Donc pour ça on demande un KSS 135 à jour ou le KSS 2 est un peu plus pour ce poste. Une expérience de 2 ans sur un poste similaire en industrie est demandée. C'est un contrat en intérim encore une fois pour des journées de travail de 7h30 à 16h30 ou de nuit de 17h30 à 1h45. On vous demande de faire preuve d'adaptation, de rigueur, d'autonomie qui vous permettront de rejoindre l'équipe industrielle Cricbeuf sur Seine. Ce poste est ouvert aux personnes reconnues handicapées. Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à postuler en ligne sur le site adeco.fr. Voilà pour les offres d'emploi de cette semaine. N'hésitez pas à aller sur le site Emploi Seine. Toutes les offres que je vous ai parlé sont répertoriées. Merci Kandra, on te retrouve dans une heure pour la chronique Info Actu. En attendant, on continue en musique en retrouvant d'ici 10 minutes Joelicia pour une chronique météo. Mais juste avant, on continue en musique avec Cécile Accroulé, Gavin Mons, bienvenue.

Après le son de David Guetta avec Saya Flames sur The Listener. Ça se passe chez vous ? h 45, c'est l'heure de retrouver la météo avec Joëlicia. Salut Antoine, salut tout le monde, bienvenue dans votre chronique météo en ce jeudi 12 juillet. Aujourd'hui dans la commune d'Alizé, ce matin, le temps sera ensoleillé avec une température de 11 degrés. Dans l'après-midi, on aura un léger passage nuageux qui n'altérera pas le beau temps. La température sera de 26 degrés. Le soir, le temps sera nuageux avec une température de 21 degrés. Quelques averses sont à prévoir. Et dans la nuit, on aura un ciel nuageux avec une température de 15 degrés. Par ailleurs, tout au long de la journée, le temps sera variable avec des températures estivales et les rafales de vent atteindront les 25 km/h. Demain, le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 21h58. Quelques recommandations, étant donné que nous sommes dans des périodes où il fait super chaud, nous vous recommandons de vous hydrater régulièrement, d'aérer vos espaces et surtout de ne pas vous exposer au soleil de 12h, entre 12h et 16h. Surtout, buvez beaucoup. Bah, je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Merci Joëlicia, à demain dès 10h45 où on te retrouvera avec de nouvelles prévisions météorologiques. Maintenant, on va continuer en musique avant de retrouver Tati Karine dans un quart d'heure avec son dédicace qu'on mange. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur. Ça se passe chez vous, on est ensemble jusqu'à midi avec la recette du jour dans un instant et le programme télé juste après. Bienvenue, à dalle. I could be wrong, but you know it's true. And I'll stop if you want me to. But if you like it, if you like it, lay these cards out across the floor. You draw me in, leave me wanting more. I'll play your game if you keep the score. But if you like it, if you like it, I don't wanna be hasty, babe. I feel like you've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior, but I know that we've got to leave. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby. Down. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. You've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior, but I know that we've got to leave. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. We could turn the lights down for the night. is alarming. Man, why you just big fat thing overflowing? Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Shake something when you tiptoe. Right, do it just like that. All tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. One and dine like you're spineless. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, all tight when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blown gas at the Rari. French vanilla smooth like a honey, yeah, wine. And I sneak her from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, baby, darling. Baby, wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. That money keep blown, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. My way. Can't take it off my bread. Look like you do that. Tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say it's Sunday. When you tiptoe. When you tiptoe. Go, go, go. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you. Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. And when you just wine for me, darling. One time, two time for the DJ. Juste après le son de Jason Derulo en featuring avec French Montana, c'est ce qu'on vient d'écouter, Tiptoe le son. On continue en musique avec LSD, Saya, Diplo and Labyrinth pour le son audio, juste avant de retrouver Karine dans 3 minutes. So just when the world saying they got no hope, here comes the love. We got audio. Flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star. Star. We got audio. I'll give you my love, make the song so sweet. Come on with me, oh. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. The colors of you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here We turn it up. Juste après le son de Ariana Grande avec No Tears Left to Cry sur Zord de Seigneur, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. 10h59, c'est l'heure tout pile de retrouver Tati Karine avec son 10 qu'est-ce qu'on mange. Bonjour Tati. Avec vous pour une toute nouvelle recette. Je vous propose une tarte aux notes acidulées et gourmandes. C'est la tarte au citron meringué. À vos stylos! Ingrédients pour 6 à 8 personnes. Pour la pâte sucrée, 250 g de farine, 100 g de beurre, 50 g de sucre, une pincée de sel, un œuf, des zestes de citron. Pour la préparation au citron, 300 g de sucre, 6 jaunes d'œufs, 60 g de maïzena, 500 ml de jus de citron que vous adapterez selon si vos citrons sont frais ou bien acidulés. La meringue, les 6 blancs d'œufs restants, 300 g de sucre semoule. Préparation. On commence par préparer la pâte sucrée. Mettre la farine sur le plan de travail et faire une fontaine. Ajouter le sucre, le sel, le beurre et un peu d'eau. Travaillez du bout des doigts en sablant la pâte entre vos deux mains afin d'incorporer le beurre. Une fois que la pâte est bien sablée, formez de nouveau une fontaine et ajoutez le jaune d'œuf. Travaillez jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse en récupérant toute la farine sur le plan de travail. Filmez la pâte et mettez-la au frais pendant 15 minutes environ. Ensuite, abaissez votre pâte et foncez-en un cercle ou un moule à tarte. Cuire à blanc avec du papier aluminium ou des haricots pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Maintenant, réalisons la crème au citron. Mettre le jus de citron et un tiers de sucre à bouillir. Travaillez le reste du sucre avec les jaunes d'œufs, puis ajoutez la maïzena. Versez le jus de citron sur la crème et mélangez bien. Remettez le tout sur le feu pour faire épaissir. Étalez la crème citron sur la pâte sucrée cuite et laissez refroidir. Pour finir, préparons la meringue. Mettez les blancs d'œufs dans le batteur et montez-les en neige. Ajoutez le sucre quand la meringue est bien prise et ensuite battez jusqu'à qu'elle soit bien brillante. À l'aide d'une poche et d'une douille cannelée, décorez votre tarte au citron de meringue, puis saupoudrez de sucre glace légèrement. Dorez le tout au gris de votre four. Pour moi, c'est un incontournable dans mes fiches recettes. Sont disponibles sur le www.theradio.net et je vous invite également à me retrouver sur le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange. Bon appétit, chers audionautes, et à demain! À demain Karine pour une nouvelle recette, toujours à 11h à peu près sur Zor du Seigneur dans le Saspa chez vous. Vous êtes les bienvenus puisque dans un instant il y a le programme télé de Michel qui arrive toujours sur Zor du Seigneur. Juste avant il y a de la musique qui arrive, Maroon 5 avec son son Wait dans un instant. Mais juste avant le son du Marseillais, Soprano, Cœur de Nièce. C'est ce qu'on écoute à 11h03 sur Zor du Seigneur. Vous écoutez Saspa chez vous et on est les seuls à être en direct. Qui a vu le cœur d'Onier? Monde a le cœur déchiré. Il aimerait tellement aimer. Mais les hommes, où t'ont-ils fait prisonnier? Mes prières doivent te libérer. Le cœur du monde veut être sauvé. Mais les hommes. toi monsieur le cœur donnier. Oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier, c'est nous. Juste après le son de Soprano avec Cœur Donnier, c'est ce que je viens de vous passer sur The Radio Center. 11h07, dans un instant c'est le programme télé avec Michel, juste après Maroon 5, Wait. Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited but I'm glad I made it all. Let me apologize. Make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this, so let me apologize. I'll make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Exactly the way it did inside my head when I dreamed about it. All the things I could live without, I need it now 'cause you're all around me. Only thing that I can't afford is to lose myself trying to be somebody. You should've known better than to listen to your heart again. People change with the weather. So don't tell me I'm like anybody else. You put it back together, don't let it fall apart again. People change with the weather. In a town full of fancy cars and crowded bars and supermodels, looks exactly the way it did inside my head when I dreamed about it. All the things I could leave without, I need them now 'cause you're all around me. Only thing that I can't afford is to lose myself trying to be somebody. I won't blame it on my faults again. I know I should forget her. You know just like anybody. So don't tell me I'm like anybody. Time for fancy cars and crowded bars and supermodels. Looks exactly the way it did inside my head when I dreamed about it. All the things I could leave without, I need it now, cause they're all around me. Only thing that I can't afford is to lose myself trying to be somebody, somebody. Après le tout nouveau The Chainsmokers avec Somebody feat. Drew Love, on adore ce son. Bienvenue sur The Radio Seineur. Dans 3 minutes, c'est l'heure de retrouver la chronique programmation télé avec Michel de la Redac, juste après Badzi avec Mine. Bienvenue. You're so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're fucking happy you're alive. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. D'après le tout nouveau son de Badzi avec Mine, on adore ce son sur The Radio Seineur. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Et il est 11h16 et c'est l'heure de retrouver Michel pour son programme télé. Bonjour Michel. Bonjour, c'est jeudi 12 juillet aujourd'hui à la télé, ce soir sur TF1, On voulait tout casser, un film avec Cadmerade, Charles Berling ou encore Benoît Magimel. Sur France 2, vous retrouverez Secret d'Histoire, le magazine avec Stéphane Bern. Rendez-vous sur France 3 avec la série Jusqu'au Dernier, 20h55, 3 épisodes, une série avec notamment Brigitte Fossé. Sur M6, le jeu Pékin Express, de retour sur C8. Vous retrouverez Patrick Patrouille de France, la tournée américaine, documentaire donc sur C8, NCIS sur W9 à 21h, votre série, 6 épisodes ce soir. Le retour de la momie, ce sera sur TMC, le film est diffusé à 21h. Autre film ce soir sur TFX, Lucky Luke avec Jean Dujardin, et juste après, vous retrouverez Les Rois Mages avec Les Inconnus. Enfin, la série Fais pas ci, fais pas ça est de retour sur France 4, vous retrouverez 6 épisodes ce soir. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce jeudi. Merci Michel, hâte de retrouver Pékin Express, cette vieille émission, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue à la télé, que M6 a décidé de relancer. Bon, on retrouve la prochaine chronique télé de Michel demain à 11h15, mais pour l'instant c'est place à la musique avec Bob Sinclair, I Believe sur Zor du Seigneur. This world has brought you down to your knees. You're not alone, everybody needs to believe in something, to believe in one thing, I believe in you. Living your life like it's on the brink, drifting away on a broken ship, but I believe in something, I believe in one thing, I believe in. Short, enjoy it while you're young. Spend my bank account tonight and have to borrow funds. It all started with a light glass. Now I'm asking how long could tonight last. Man, she had the air face but a tight ass. If I had a shot less, then I might pass. But I'm faded and I got a little sedated. I can't believe we made it, every night we celebrated. I live like Jim Morrison, no telling where I take it. I take her to my room and I tell her get naked. I know that I regret this when I'm sober. But every shot I'm getting closer, getting closer. Is it true that 80 proof is the reason I'm with you? Oh, I know that I'll regret this when it's over. and I smashed again. Stayed over, now she's about to get attached again. Walls built up around her, come crashing in. Passed out at 6 a.m, but she's up at 10. Doing this was not in my plan. She got up and saw rubbers in a trash can. Hoop bearing some bitch left on my nightstand. Cussed me out and stormed off like alright then. On both sides that was bad for him. Why do people do things that be bad for him? Say we done with these things then we ask for him. When the sun comes down then we transform. Yeah. You could probably bet this. By this time tomorrow I'll probably regret this. Try but it all falls down like Tetris. No telling where that 80 proof gets us. Oh, yeah. I know that I regret this when I'm sober. But every shot I'm getting closer, getting closer. Is it true that 80 proof is the reason I'm with you? Oh, I know that I regret this when it's over. To breathe. Desire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but I'm Juste après le son de Major Lazer avec le remix de Light Up, soyez les bienvenus sur Zone de Seineur. Ça se passe chez vous ? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Radio Seineur. Il est 11h28 et c'est l'heure de retrouver Kandra pour les informations. Salut Kandra. Salut Antoine, salut à tous. Et oui, aujourd'hui on va voir les informations et l'actualité du jour dans l'agglomération Seineur. Alors on commence avec Achetons Local. Oui, le réseau Achetons Local qui a ouvert ses portes en fin juin dernier. L'agglo réfléchit donc à créer un livret pour recenser les points de vente du réseau, justement, restons à circuit court, et les produits qu'on peut y trouver. Dans certaines boutiques de l'agglo, des présentoirs Achetons Local permettent de mieux identifier les produits d'ici, des producteurs locaux. Réseau qui avait ouvert ses portes fin juin et qui a réuni un peu plus de 120 personnes dans les exploitations agricoles, les brasseries, les restaurants, les commerces pour suivre les différentes étapes d'une production, d'une récolte, élaborer des recettes avec des produits d'ici ou simplement les déguster. Donc l'agglo a réfléchi pour recenser ses points sur un petit livret pour que vous puissiez avoir accès facilement aux produits locaux et savoir où les trouver et quels produits acheter à quel endroit. Une initiative prise récemment et auquel ils sont en train de créer l'affiche, le livret, le design du livret et ce qu'ils vont y dire. Voilà. On enchaîne avec le tour Alternativa à Louviers. Le tour Alternativa est un tour de France à vélo pour le climat. C'est une course en faveur du climat pour réduire les gaz à effet de serre. Et ça se passera du coup le dimanche à partir de 11h et il passera au programme Passage à Louviers vers 11h. Ensuite, Vélorution de Pont de l'Arche à Alizé à midi et on finira par un repas festif à Alizé à partir de 15h. Donc pédaler ensemble pour le climat justement, pour éviter le réchauffement climatique. On termine avec la finale de la Coupe du Monde et oui, la France jouera contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde dimanche. Petite finale samedi d'ailleurs, mais dimanche du coup la ville de Val-d'Oreuil diffusera le match sur écran géant encore une fois. Ça se passera à la Maison de la Jeunesse et des Associations entre 17h et 19h. Diffusion de la finale de la Coupe du Monde, les entrées sont libres et gratuites bien sûr. Attention, le nombre de places est limité pour des raisons de sécurité. Prenez vos précautions en arrivant en avance pour permettre votre entrée. Voilà, donc faites attention si vous vous rendez à la MJA, faut y aller vite. Les places sont limitées. Louviers organise aussi du coup un écran géant le 15 juillet à la chaloupe de Louviers pour voir le match en direct sur écran géant encore une fois. Un événement à ne pas manquer puisque ça fait maintenant 20 ans qu'on rêve de nouvelles victoires en Coupe du Monde. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On revient demain pour de nouvelles infos. Merci Kandra. Donc on suivra ces événements de très près. Et puis allez les bleus évidemment pour la finale. Vous bougez pas, on continue en musique avec le son de XXXTentacion. Sad, c'est le son que je vous ai calé. Juste après il y aura Liam Payne avec Familiar. Et puis Becky G avec Mayores. Soyez les bienvenus sur Radio Seineur. Si ça se passe chez vous, on est ensemble jusqu'à midi. I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. Blue eyes, I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. God gave her everything. She took my heart and left me. I think broken hearts contentious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. Blue eyes, I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. I should better let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone I should better let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. J Balvin, man, Leon Payne, my G. It's simple, you diplo, your hips roll, you do the calypso. An intro is all that I need, oh yeah. Y empiezo primero, tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Yeah. I'm feeling ya. Hey. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Come bring it. De todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien, te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Can we get le son de Liam Payne avec son nouveau son Familiar. Soyez les bienvenus dans un instant, on parle de foot ensemble. Juste après le son de Becky G and Bad Bunny, My Oles. Bienvenue. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. la cama yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' toda tu locura. Si tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no hace falta los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, uso pues con otro vete. Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She wanna that, pull her hair and hold the door for her. Baby, that's only me. Don't get with me. Baby, okay, okay, though. Yeah, you're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching. for the one, what you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any f***ing body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my God, she hit me up all day, get no response. Blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, don't you ever finessing, I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait on for the essence. For the record, I know Colin when that ball was spinning records. Move like game winning record, I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know? Don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one, yeah, I'm the one. Don't you know, girl, don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one, yeah, I'm the one. Don't you know, girl, don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one, yeah, I'm the one. Juste après le son de DJ Khaled et Justin Bieber, I'm the one, soyez les bienvenus sur Radio Sonneur. Ça se passe chez vous? 10h45, c'est l'heure de retrouver Kandra pour le point sur la Coupe du Monde, tout simplement. Salut Kandra. Salut Antoine. Et oui, hier c'était le match de la demi-finale pour savoir qui allait gagner, qui allait jouer contre la France. Match Angleterre-Croatie du coup, qui s'est terminé par la victoire de la Croatie après avoir été menée au score d'entrée de but par Trippier. Les Croates ont renversé la situation pour se qualifier pour la finale au terme des prolongations intenses face aux Anglais 2-1. Après le Danemark, la Russie, l'Angleterre est tombée dans le piège croate. Au bout des prolongations, la sélection de Gareth Southgate a cédé face au coup des Croates supérieurs dans le jeu en seconde période. Tout avait commencé de la pire des façons pour les Croates. Dès la 5ème minute, le jeu, les Free Lions ont ouvert le score grâce à Trippier, acteur d'un sublime coup franc à 20 mètres des cages croates. Au fur et à mesure de la rencontre, la bande de Zlatko Dalic a pris progressivement le dessus sur les Anglais malgré des imprécisions dans le dernier geste. C'est finalement à la 68ème minute de jeu que la Croatie va revenir au score par Ivan Perisic et continuer sa route vers la finale du mondial en prolongation. En début de seconde période des prolongations, Mario Mandzukic va crucifier les Anglais en reprenant une déviation de la tête de Ivan Perisic encore une fois à la 108ème minute. Pour la première fois de leur histoire, la Croatie atteint les finales de la Coupe du Monde contre la France, avec qui déjà en 98 ils avaient perdu en demi-finale. L'homme du match est donc c'est omniprésent en tranchant dans les appels de course, sur les ailes, précieux dans la conservation du ballon et dans les éliminations. Ivan Perisic a été décisif face aux Anglais, permettant à la Croatie d'égaliser sur une belle demi-volée après l'heure de jeu. Voilà donc pour le match d'hier. Donc la Croatie s'est qualifiée et on aura samedi la petite finale, donc Belgique-Angleterre, avant de retrouver la finale dimanche France-Croatie. Eh bien, merci Kandra. On te retrouve demain pour Info Actu. Non, bah demain Info Actu, toujours à 11h30 et je crois que c'est la seule chronique que j'aurai demain. C'est ça. À part ça, voilà. Bah, merci. Merci beaucoup d'avoir été présent pendant toute la Coupe du Monde. Un dernier point lundi sur la petite et la grande finale. Voilà, ça sera le dernier point sur cette compétition. On va conclure cette émission dans un instant, dans 10 minutes, mais juste avant, on continue en musique avec Resmurd, Twang. Know some young niggas like to swim. Know some young niggas like to swim. Big bang, take a little bang. Every day spilling up drink. She want the whole crew, shorty break. When the money talks, what is there to say? Blow away, watch it blow away. When I die, can't take it to the grave. Yeah, we're Don't say my name in vain. I'm so glad that you came. All these bad bitches getting slain. Broke ass nigga, get a clue. All these niggas know how we do. Know some young niggas like to sweat. Shawty break. When the money talks, what is there to say? Blow away, watch it blow away. When I die, can't take it to the grave. But I dropped out and chose to be a baller. Woo. Switching lanes, spin game in my new drop. Still on a paper chase that don't never stop. Everybody with me, family, that's how we rock. Party at the mansion, we bout to flood the spot. Know some young niggas like to sweat. Know some young niggas like to sweat. Big bang, take a little bang. Every day spilling. Dans un instant, il sera l'heure de se dire bon appétit et au revoir, juste après le son de Katy Perry. Et bon appétit, bienvenue sur Zoro Descender. Grab a lesson, not the vibe. I make a light on, screaming I'm ready. But no horses, no carriage. Go ahead. Après le son de Katy Perry qui vous souhaitait elle aussi un bon appétit, voilà, c'est l'heure pour nous de vous laisser, il est 11h55, je tenais à remercier Kandra pour cette émission, il a été là pendant les 2 heures. De rien, ça fait plaisir de t'accompagner sur cette émission. Ouais, merci beaucoup à toi. Joëlicia n'est pas là parce qu'elle est passée juste le temps de la météo et puis voilà quoi, c'est... voilà. Voilà, on tente des choses. Hein. 11h55, c'est l'heure de vous dire au revoir. On vous retrouvera demain, dès 12h, toujours en direct sur Zora Disney. Des 10h. Des 10h, oui. Ouais. Des 12h, ouais, pourquoi pas. Du coup, ouais, 10h midi. Merci, Kandra. Bon, allez. La fatigue se fait ressentir. 11h55, c'est l'heure pour nous de vous dire bon appétit. Et bon appétit, ouais. Et puis, ciao. À demain. Salut. À demain. Ça se passe chez vous, revient demain dès 10h sur The Radio Seine. Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.theradio.net. I'm a kid for you. I'm a kid for you. It's magic for you. Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, and I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I mind. We live in our lies. Hey, you're my favorite kind of night. Girl, you're perfect. You're always worth it. Always. écoutez The Radio Sénat, il est midi. Retrouve ta radio préférée sur www.sen-r.theradio.net avec un max de tubes. Un max de tubes. The Radio Sénat, c'est ta radio locale dans toute la glo. The Radio Sénat, votre radio locale dans toute la glo. The Radio Sénat, la radio la plus proche de vous. She was a young girl. She used to play with me. I was her best friend. We weren't separably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time, now I realize she loved to play. I should have seen it in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. Oh, deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your she wanted. So that car that gave her problems, I'm just curious but her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left.

ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A small percentage who I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit. Let's talk about love.